Alors, j'ai naturellement tendance à parler très fort. Est-ce que comme ça on entend? Parce que les gens qui sont en groupe, vous pouvez peut-être vous rapprocher un peu. Ou bien vous préférez avec le micro? Avec le micro, ok. Ok, mais bonsoir à toutes et à tous. Donc, avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, je voudrais juste faire un petit point à propos du TPM et pour vous dire qu'on va reparler brièvement du TPM et des angoisses qu'il provoque chez certains et chez certains à la fin de la séance. C'est peut-être une pression pour vous demander de rester jusqu'au bout, mais on en parlera à la fin des deux heures d'aujourd'hui. Et vous pourrez aussi, si vous avez des questions plus précises, ou des angoisses plus précises par rapport à ce travail de TPM, bien les poser à Nadège et à moi-même à la fin de la leçon. Mais donc on reparlera de ça en fin de leçon, aussi parce que le but du cours d'aujourd'hui, ben, c'est aussi de vous aider à remettre un peu la recherche de mémoire que vous allez faire, et bien sûr l'exercice de TPM, dans des perspectives plus larges. Alors moi, ce qui m'intéresserait dans les deux heures de cours aujourd'hui, mais c'est justement, même s'il y a des choses que vous savez déjà, il y a des choses que vous aurez déjà vues dans vos études préalables, mais de remettre dans ce qu'on appelle des perspectives méthodologiques et épistémologiques un peu larges la recherche qu'on fait en sciences humaines et en sciences de la communication. Quel est notre rapport au savoir? Comment est-ce qu'on peut produire de la recherche dans les sciences de la communication et se dire, tiens, cette recherche menée scientifiquement nous apprend quelque chose sur la manière dont les êtres humains communiquent, soit directement, soit par le biais de médias. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu de la leçon d'aujourd'hui. Alors, j'aime bien remettre les choses dans une perspective un peu large, peut-être parce qu'à la base, avant d'étudier la communication et de faire des recherches sur la communication scientifique, j'ai d'abord étudié l'Antiquité classique, la philosophie de l'Antiquité, toutes ces vieilles choses-là. Et c'est vrai que la recherche européenne, la recherche occidentale, elle nous vient, vous le savez bien, de la Grèce ancienne. Et une notion que j'aime bien rappeler au début d'un cours de méthodologie, et elle nous vient du philosophe Aristote, hein, qui est mort il y a déjà pas mal d'années, en 323 avant Jésus-Christ, eh bien, qui nous disait que la philosophie, à l'époque, la philosophie, c'est l'amour du savoir, hein, c'est la connaissance dans toutes les disciplines mélangées, pas seulement la philosophie au sens moderne, mais les sciences de la nature. Aristote nous disait que la philosophie, eh bien, elle vient de l'étonnement. Il faut d'abord s'étonner. Et vous allez voir la semaine prochaine, quand on reparlera des cadres théoriques, Nadège et moi-même, on essaiera de vous montrer comment, dans nos propres recherches, bien, souvent on a dû développer un cadre ou changer de cadre théorique parce qu'on était étonné, surpris par la réalité qu'on observe. Donc cette remarque d'Aristote, elle est ancienne, mais elle reste vraie. Il faut pouvoir s'étonner, il faut pouvoir être surpris. Souvent une recherche, et le livre d'Ossera en parle aussi, souvent une recherche, elle parle d'une surprise qu'on a, un média qui nous étonne, un contenu d'une revue, un contenu d'une émission qui n'est pas comme on l'aurait imaginé a priori avec nos propres clichés. Donc la philosophie, la recherche naît souvent de l'étonnement aujourd'hui comme à l'époque. Alors on fait un bond dans le temps, on passe de l'époque des Grecs anciens au XVIIe siècle avec le philosophe français Descartes, ne me dites pas comme une étudiante en oral un jour qui parlait de Descartes, hein, c'est pas un espagnol, c'est Descartes le philosophe français, avec sa fameuse formule en latin, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Donc en fait, ce qu'il voulait dire par là, c'est pas parce, ça ne veut pas dire qu'il est parce qu'il pense, mais ça veut dire que quand il a douté de tout, en tant que scientifique qui remet tout en question, c'est ce qu'on appelle le doute systématique, et c'est ce que nous, on essaie aussi. S'il vous plaît, si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser, on pourra aussi la remettre en doute systématique. On peut le faire à plusieurs aussi. Donc le doute systématique, ça consiste à remettre en cause, à avoir un esprit critique par rapport à tous les éléments de la nature, à tous les phénomènes humains qu'on va observer et analyser comme chercheur. Eh bien, Descartes nous dit qu'il y a une chose qu'il ne peut pas remettre en doute, parce que sinon tout s'effondre, c'est le fait qu'il est là et qu'il est capable de penser les choses. Si on doute de ça, on tombe dans le nihilisme absolu. Donc s'il y a bien une condition qu'il nous faut respecter, c'est le fait de croire en fait qu'on est capable de penser, capable d'avoir un esprit critique, capable d'être un chercheur. Donc voilà ce que je retiendrai ici dans le cadre de ce cours, très généralement, de cette formule de Descartes. Aristote, Descartes, la démarche scientifique. Alors ici, on va vraiment ramener les choses à ce qu'elles ont de plus essentiel. vous savez sans doute qu'il y a deux grands modes de raisonnement dans les sciences. Dans les sciences au sens le plus large. Ici, je vais parler des sciences, comme elles nous viennent des anciens Grecs et puis du XVIIe siècle, où on mêlait à la fois les sciences de la nature et les sciences qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines et les sciences sociales. Donc ce qu'on va dire maintenant nous vient de l'esprit scientifique occidental, mais se répercute de nos jours dans une partie des sciences humaines et sociales. Donc deux grands types de raisonnement qui se sont développés dans les sciences occidentales, ce qu'on appelle l'empirico-inductif et l'hypothético-déductif. Alors, vous connaissez sans doute ça, mais en quelques mots pour resituer les choses, c'est empirico-inductif, empirico, hein, ça vient du mot grec qui dit expérience, ça veut tout simplement dire qu'en tant que chercheur, qui s'étonne et qui doute systématiquement, comme Descartes, eh bien je vais observer le monde, je vais en faire l'expérience avec mes différents sens, et je vais induire de mes expériences des généralisations plus abstraites. Alors une généralisation plus abstraite de différents phénomènes observés, ou parfois de différentes abstractions, c'est ce qu'on appelle un concept, que ce soit dans les sciences exactes ou dans nos disciplines à nous. Observer, et puis on attaque comme qui peut prendre ensemble, je prends toutes mes observations et éparses ensemble. Un concept, c'est ça, c'est des choses étymologiquement prises ensemble et je les ramène à une notion conceptuelle. Alors, ce n'est pas toujours des choses nécessairement très compliquées. On vit environné de concepts en permanence. Alors, j'aime bien prendre un concept particulièrement complexe, celui du mouton. Alors, je pourrais, par expérience empirico-inductive, chaque fois que je veux parler d'un mouton, par exemple, c'est que monsieur, je lui parlais du mouton que j'ai rencontré sur l'avenue Égée en arrivant ici tout à l'heure, je vais dire, j'ai vu une bête à quatre pattes qui avait plein de laine sur le... Déjà, tout ça sont déjà des concepts, hein, mais de laine sur le dos, c'est pas trop pratique. Hein, il est difficile de développer beaucoup de recherches scientifiques si à chaque fois je dois revenir de mon expérience empirique et la décrire. Par contre, si je parle de mouton, ben nous tous, on verra de quoi on parle. Mais mouton, c'est déjà un concept. Il y a un concept déjà assez complexe. Si je lis tout simplement les premières lignes de ce qu'on dit du mouton dans Wikipédia, le mouton, Ovis aries, est une espèce domestique de mammifères herbivores appartenant à la sous-famille des caprinés, dans la grande famille des bovidés. C'est plus précisément un ovin du genre Ovis, l'animal jeune et l'agneau, etc., etc. Vous voyez à quel point ce concept de mon mouton est lui-même pris dans toute une série de concepts imbriqués les uns dans l'autre, dans les autres, ici on parle de biologie animale, eh bien une imbrication de concepts, c'est ce qu'on appelle une théorie. Donc bien voir dans le raisonnement empirico-inductif qu'on parle de son expérience, en tant que chercheur, on induit de l'expérience des concepts qui ramènent à une seule notion des phénomènes diversement observés, comme mon mouton, et puis quand on a ces concepts, on peut développer des théories qui agencent tous ces concepts d'une manière plus ou moins harmonieuse. C'est par exemple, je pourrais continuer cette description du mouton par rapport à la biologie animale et aux sciences vétérinaires. Et théorie, entre parenthèses, j'aime bien les étymologies, je ne vais pas vous embêter avec ça pour chaque mot, mais une théorie en grec, théoria, ça veut dire un regard. Donc c'est un regard qu'on porte sur les choses en articulant des concepts. On a déjà là des notions vraiment très importantes. Concept, théorisation. Maintenant, de nos jours, et je dirais depuis la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, et l'essor de la science empirique, de la science expérimentale, on a un autre type de raisonnement qui s'est développé, qu'on appelle le raisonnement hypothético-déductif, et qui, dans les sciences de la nature, les sciences dites parfois exactes, est le raisonnement le plus important de nos jours, mais qui existe aussi dans les sciences humaines. Ça veut dire qu'au départ d'une théorie, sur laquelle on est déjà d'accord, on va lancer des hypothèses, et on va dire que l'hypothèse, on va essayer de la vérifier. Si l'hypothèse est correcte, on devrait déduire de l'hypothèse quelque chose qu'on va observer dans la nature ou par une expérience scientifique. Donc on fait une hypothèse qui s'inscrit dans une théorie, on dit si cette hypothèse est correcte, elle devrait déboucher, on devrait en déduire tel phénomène, on va produire une expérience en laboratoire où on va observer les choses directement dans la nature ou dans les sociétés humaines et on va voir si la déduction est correcte ou pas. C'est ce qu'on appelle le raisonnement hypothético-déductif. Si je pars de la théorie qui est même une loi de la gravité et que je dis qu'elle est universelle, comme on le sait depuis Newton et sa pomme reçue sur sa tête, on va dire que si elle est universelle, à tout endroit du globe, la pomme devrait être soumise à la même force de gravité. C'est une déduction de mon hypothèse. Je la vérifie empiriquement et je constate que c'est vrai. Pour autant, on reste dans une limite d'atmosphère égale à tout endroit d'expérience sur la Terre, évidemment. Mais c'est ce qu'on appelle le raisonnement hypothétique. Donc, bien voir ces deux types de raisonnements qui sont super importants, y compris dans les sciences humaines. Empirico-inductif, le mouton, hypothético-déductif, mon exemple de Newton et de la gravité. Dans les sciences, une fois qu'on a des concepts, oui. Dans le raisonnement hypothético-déductif, je parle d'une théorie qui existe et sur laquelle la plupart des scientifiques sont d'accord. Par exemple, la loi de la gravité, c'est un exemple, je pourrais en prendre mille autres. J'en fais une déduction. Si cette loi est universelle, j'en déduis que la mesure que j'en ferai de cette force de la gravité, que je sois à l'ULB, à l'UCL, à l'Université de Mons, elle sera la même. Je vais, pour mon matériel expérimental, faire cette expérience aux trois endroits. Je vois que c'est bien le cas. Ma déduction de mon hypothèse a renforcé l'hypothèse et renforce la loi de la gravité. Vous voyez, c'est ça le raisonnement hypothétique. Je pourrais dire, par exemple, aussi, imaginons que je dise que tous les étudiants, exemple que j'apporte aussi, que les étudiants en communication présentent plus de motivation à assister au cours entre 18 et 20 heures que les étudiants en langue et littérature classique. J'invente n'importe quoi. Alors, imaginons, c'est possible. C'est une hypothèse. J'en déduirais qu'en faisant une enquête par questionnaire auprès des deux publics cibles, on prouvera effectivement que les étudiants en communication montrent un plus haut taux de motivation à assister au cours entre 18 et 20 heures. Je fais mon enquête par questionnaire. Si elle vérifie mon hypothèse, hypothético-déductive, j'ai renforcé mon idée de départ dans l'hypothèse. Ou si par contre il apparaît que les étudiants en communication en ont complètement assez des cours de 18 à 20 heures, mon hypothèse est anéantie par l'expérience empirique du questionnaire. Ok ? Donc ces deux modes de raisonnement sont importants. Dans les sciences aussi, ce qui est très important, c'est la recherche des rapports d'explication. On va expliquer un phénomène par un autre, soit qu'on va parler de rapports de causalité, on y reviendra, un phénomène est la cause d'un autre, voire de rapports déterministes. Quand tel phénomène se déroule, tel autre va toujours se dérouler. Et dans les sciences, et peut-être plus dans les sciences de la nature que dans les sciences humaines, tout ça aboutit dans le meilleur des cas à déterminer des lois. On parlait de la gravitation tout à l'heure. C'est des lois, c'est quand il y a des relations qui sont toujours nécessaires entre des phénomènes. Ça, ce sont des lois. Hein, les planètes qui se déplacent par rapport à leur étoile dans un univers de la même manière, quel que soit l'univers, ce genre de lois. Donc voilà quelques principes de base concernant le raisonnement scientifique dans la pensée occidentale. On continue à grands pas notre petite exploration de... On dit de l'histoire en raccourci de la science en Occident, hein, parce qu'on pourrait y avoir la science en Chine ou en Orient, il y aurait des variantes, et ça c'est intéressant également. Mais c'est au XVIIe siècle, hein, il n'y avait pas que Descartes, il y avait aussi Galilée, et plein d'autres également. Et Galilée, c'est vraiment un des premiers qui s'est efforcé à utiliser davantage ce qu'on appelle le langage naturel, donc le français ici en l'occurrence, ou l'anglais ou l'allemand, d'utiliser le langage des mathématiques. Et c'est vrai que depuis Galilée, dans les sciences, surtout dans les sciences de la nature et les sciences exactes, mais parfois aussi dans certaines approches en sciences humaines, dans l'économie par exemple, les sciences économiques modélisent très fort mathématiquement, et eh bien ça nous vient du XVIIe siècle, cette idée que, ça nous vient notamment du XVIIe siècle, cette idée que, comme le disait Galilée, la nature c'est un livre qui serait écrit en langue mathématique. Donc il faut maîtriser les mathématiques pour être un scientifique. On continue d'avancer. Là, on est maintenant à la fin du 19e siècle, on est passé des gravures aux photos, donc il y a un progrès technique, hein, et ce monsieur, c'est Auguste Comte, qui a sans doute déjà entendu parler aussi, décédé en 1857. Et lui, Auguste Comte, c'est un philosophe, on pourrait dire, un philosophe français qui a une très grosse influence sur la philosophie des sciences et sur certaines sciences humaines. Et lui, il a dit finalement, l'époque moderne, donc son époque, le 19e siècle, c'est l'âge positif. Alors il n'était pas là, ce n'était pas positif à tout, on est positif, on est content sur tout et sur n'importe quoi. C'est positif dans le sens, la science peut avoir un rapport sûr au réel, positif dans le sens avéré, certain. Pour Auguste Comte et ceux qu'on appelle les positivistes, parfois on parle de scientiste, c'est le chercheur qui estime qu'en tant qu'être humain, on peut avoir un rapport au réel qui est positif en ce sens qu'il est avéré. Mes sens ne me trompent pas. Quand je vois, bon, monsieur, sinon on va pas monsieur, une focalisation, si je prends mademoiselle là, je peux être sûr en tant que chercheur, si je suis positiviste, qu'elle porte des lunettes, qu'elle a des cheveux châtains, en tant que je vois pas si bien, là il y a des conditions de savoir, conditions d'expérience font qu'on pourrait remettre en doute mon observation, mais normalement en tant que chercheur positiviste, j'ai un rapport positif aux choses, nous dit Auguste Comte. Ça, il cite à tous les manuscrits, elle répète qu'il n'y a pas de connaissance réelle autre que celle qui repose sur des faits observés. Pas de métaphysique, pas de spéculation. C'est un moment important dans l'histoire des sciences et des sciences humaines aussi occidentales. Émile Durkheim, dont vous avez sans doute aussi déjà entendu parler à un moment ou l'autre dans votre parcours, hein, parfois on dit le père de la sociologie, donc le grand-père ou l'arrière-grand-père, que sais-je, hein, de la sociologie française. Émile Durkheim, mort en 1917. Et Durkheim, on peut dire que c'est un bon exemple d'esprit scientiste positif dans les positiviste dans les sciences humaines, au sens que je viens d'expliquer. Pour Émile Durkheim, qu'on étudie la nature ou qu'on étudie les sociétés, c'était un sociologue, un des premiers sociologues, c'est pareil. On peut dans les deux cas arriver à des lois. De nos jours, la plupart des sociologues ne seraient plus d'accord avec ça. On peut établir des lois aussi positives dans les sciences humaines et la sociologie que dans la nature, que dans les sciences de la nature. Mais pour Durkheim, il n'y avait pas de doute, la sociologie était scientifique au sens positiviste du terme, et lui-même, dans ses travaux, certains de ses travaux les plus connus, il s'est efforcé de montrer des rapports déterministes, des lois, entre la... Une de ses recherches les plus connues sur le suicide, pour vous donner un exemple, il a essayé de montrer que plus le tissu social était distendu, par exemple dans les milieux urbains où les gens se connaissent moins bien que dans les petits villages, plus il y avait de risques de suicide dans la population. Ça, c'est des travaux fondateurs de Durkheim sur le suicide. Mais donc, pour Durkheim, il n'y avait pas de doute que s'il étudiait un nombre suffisant de personnes dans la société, il pourrait produire des lois aussi positives que ce qu'on faisait en physique, en biologie, en botanique, dans toutes les disciplines qui se développaient à son époque. Et d'ailleurs, nous dit Durkheim, il faut considérer les faits sociaux, les activités sociales de nous tous êtres humains, comme des choses qu'on peut mettre à distance, qu'on peut observer, qu'on peut étudier. Donc ça, c'est un peu la transposition du positivisme dans les sciences humaines. Et de nos jours encore, il y a des approches dans la recherche en sciences humaines et en sciences de la communication qui, sans se dire positiviste ou scientiste, parce que c'est devenu un peu péjoratif, si vous traitez quelqu'un de scientiste, il va rarement trouver ça un super compliment. C'est-à-dire que c'est le type qui ne croit qu'aux formules, qui ne croit qu'à la science. C'est parfois synonyme de personne peu susceptible d'avoir des émotions ou d'étudier les émotions des gens. Mais n'empêche que c'est important de comprendre ce fondement des sciences humaines pour voir où on se retrouve aujourd'hui en recherche en vie. Ok. On a parlé du scientisme, on a parlé de cette évolution des sciences. Je vous ai montré qu'avec Aristote, l'important c'est de s'étonner, ça je crois que c'est super important encore de nos jours, et de surpris avoir une capacité de s'étonner de ce qu'on observe, de remettre les choses en question, en ne doutant pas, sinon on devient un peu nihiliste et on peut alimenter les études de Durkheim en se jetant d'un pont aussi, que je pense donc je suis. Ça c'est Descartes. On a vu l'importance progressive des mathématiques dans la recherche avec Galilée. On a vu comment, avec Auguste Comte, c'est vraiment un super résumé, ça se traduit par cet esprit positiviste où on considère qu'on a un accès direct, non médié, à la réalité qu'on peut étudier en tant que chercheur. Et finalement, on va conclure cette approche par quelques critiques de cette approche scientiste positive, quelques limites en tout cas. Parce que tout à l'heure, j'ai pris un peu pour blaguer l'exemple de mademoiselle, en n'étant pas sûr qu'elle avait les cheveux châtains ou noirs, mais les données... Elles sont toujours en partie construites, elles dépendent de la technique d'observation. C'est une des choses qui limite la qualité de mes données. Je n'ai pas un accès absolument immédiat à toutes les données disponibles dans le monde, même si de nos jours on parle de big data et quelques techniques informatiques. On peut notamment, en étudiant les réseaux sociaux, avoir des milliers, des centaines de milliers, des millions parfois de données qu'on peut utiliser en tant que chercheur en sciences de la communication. N'empêche, le cadre technique de mes pauvres yeux un peu plus fatigués chaque année, le manque de luminosité font que mes données ici sont limitées. La méthode que j'utilise, ici c'est l'observation directe, mais en fonction de la méthode que je vais choisir, je vais récolter certaines données et pas d'autres. Ce sur quoi je vais insister ici, et il faut en être conscient, aussi en tant qu'étudiant en mémoire, les données, ce n'est pas comme des champignons, on ne va pas à champignons pour cueillir des données le dimanche après-midi. Les données, elles sont toujours un peu, peut-être pas construites, mais travaillées par le chercheur. Elles n'existent pas à l'état de nature. Elles dépendent de la technique qu'on utilise pour les recueillir. Elles dépendent de la méthode qu'on va employer. Je n'aurai pas les mêmes données sur la même question de recherche si j'utilise des entretiens qualitatifs ou des questionnaires ou des focus group ou que sais-je encore, ou des analyses de contenu, pourquoi pas. Et finalement, on y reviendra la semaine prochaine, en fonction, et ça c'est très fort dans les sciences humaines, de mon cadre théorique, c'est-à-dire des auteurs et de leur théorie que je vais utiliser ou pas, je mettrai des lunettes différentes. Ah, j'aime bien dire que les concepts, c'est le microscope du chercheur en sciences humaines, et les théories, c'est carrément ses lunettes pour regarder dans le microscope, s'il a des lunettes. Ok, donc voilà une première série de limites. Les concepts, les données, ne poussent pas comme des champignons. Vous avez dit, en fonction des auteurs et des théories, nous aurons des lunettes différentes, mais ça veut dire qu'on aura des données différentes ou on aura un point de vue qui est différent sur la même donnée. Vous avez raison, ça veut dire que si nous récoltons nous-mêmes nos données, on aura un point de vue différent sur les données. Sauf si on réutilise des données produites par le chercheur qu'on lit lui-même ou elle-même, évidemment. Vous avez raison, c'est ça. Et c'est vrai qu'on dit parfois aussi que les sciences humaines, c'est souvent plusieurs points de vue scientifiquement argumentés sur un objet, là où les sciences de la nature avancent avec des points de vue successifs sur le même objet. Donc parfois c'est changer de lunettes pour voir différemment les mêmes données. Ok. Une autre limitation importante, c'est ce qu'on appelle le principe de falsificabilité. C'est un mot un peu bizarre, qui nous vient du philosophe des sciences Popper, vous l'avez sans doute déjà entendu aussi. Alors Popper nous dit, après on ne sait pas pourquoi on a mis ces deux quidam en bas de diapositive, ce ne sont pas des sociologues, je pense que vous l'avez deviné, mais Popper nous dit que pour être scientifique, une hypothèse n'est scientifique que s'il est possible, ou s'il serait possible, de la réfuter par l'observation ou par l'expérience. Donc si vous ne pouvez pas réfuter une hypothèse par l'observation ou par l'expérience, eh bien, elle n'est pas scientifique. Et ça, c'est vraiment important. À l'heure où vous êtes en train de réfléchir à une question de recherche, est-ce que cette question de recherche, votre hypothèse, est-ce qu'il serait possible de la réfuter, de dire qu'elle est fausse, au départ d'une observation ou au départ d'une expérience? Et si ce n'est pas possible, c'est que vous faites de la métaphysique, de la philosophie, c'est très bien. Mais on n'est pas dans une approche scientifique telle qu'on l'entend dans le cadre ici, en tout cas de la formation. Alors je reviens à mes amis. Quelqu'un sait qui c'est ici? Voilà, exactement. Bon, il est affreusement pixelisé, hein, ça, dû à son âge, mais c'est un dodo. Alors le dodo, hein, comme vous le savez peut-être, c'est une sympathique bestiole, mais qui a été complètement exterminée par les êtres humains. Sauf erreur, c'est faux. Mais en Amérique, hein, c'est ça. Le monsieur qui connaissait le dodo. Alors là, j'en ai aucune idée. Ok. Bon. Honnêtement, je pense pas. Mais je pense que c'est en Amérique, mais il faudrait que quelqu'un vérifie rapidement sur Wikipédia. Donc, mais toujours est-il que ce dodo, au moment de la colonisation occidentale, qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous voyez, c'est une espèce de grosse poule. Il paraît que c'était pas très bon. Mais il est bien charnu. Et en plus, comme tous les animaux qui n'ont pas été habitués au contact avec l'homme, c'est un animal qui n'a pas peur, qui n'est pas craintif, et donc il se laissait approcher. Et donc, je suis à peu près certain que c'est les conquistadors espagnols. Ils ont attrapé massivement, et au bout de quelques dizaines d'années, le dodo, il a complètement disparu, et c'est un animal qui n'existe plus. Alors, ce que je veux dire par là, c'est pas tellement... S'il y a des questions, n'hésitez pas, certains posent des questions, et c'est bienvenu. Par contre, le bruit de fond à 18h30, c'est fatigant. Donc, le dodo... C'est sur l'île Maurice, ben voilà, merci. Donc c'était ni l'un ni l'autre en fait, mais on était plus proche effectivement de notre option. Donc, le dodo, si scientifiquement je dis que le dodo a disparu, est-ce que c'est une hypothèse scientifique au sens de Popper? Oui ou non? Et pourquoi? L'observation dans quel sens? Parce que je peux courir à Madagascar, je... Peut-être, mais je serais surpris de voir les dodos courir les rues. Ça veut dire qu'on n'en observe plus. Voilà, ok. Effectivement, je peux effectivement dire que c'est scientifique parce que mon hypothèse, à moins que je ne rencontre un dodo qui réfute mon hypothèse, eh bien, elle se vérifiera. Donc c'est bien scientifique au sens de Popper. C'est une hypothèse qu'on peut réfuter si un jour, en allant chercher mon poulet rôti favori au Carrefour, je vois des dodos sur la broche, eh bien, j'aurais réfuté mon offre. Cela n'existe plus vraiment, puisqu'ils sont sur la broche. Enfin, j'aurais quand même quelque part réfuté mon hypothèse que le dodo a disparu du fait que j'en ai trouvé un à 5,50 euros au Carrefour. Ok ? Donc c'est une hypothèse scientifique. En revanche, notre copain ici, si mademoiselle me dit que, suivant le même raisonnement, on pourrait dire « Ah mais, E.T. a disparu », est-ce que c'est scientifique ? Non, pourquoi ? Voilà, exactement. On pourrait tenir le même raisonnement, on dit « Mon hypothèse est scientifique » jusqu'au moment où je rencontrerai E.T. ou quelqu'un, je l'aurai invalidé. On risque d'attendre longtemps, évidemment, mais enfin, imaginons. Mais effectivement, il y a une différence fondamentale, c'est que le dodo, il n'existe plus vivant, mais il existe encore à l'état squelette, hein, ou fossilisé dans certains cas, tandis que, sauf preuve du contraire, on n'a pas vu beaucoup d'E.T. dans les musées de surnaturel. Ok, donc ça c'est important, c'est vraiment important, pas tellement pour Popper, qui est très Popper, hein, donc qui est très intéressant en soi, mais vraiment pour vous poser la question par rapport à votre propre hypothèse de recherche, est-elle scientifique, est-elle réfutable qu'elle est chiant, ou pas? Bien. À partir de cette diapositive-ci, j'essaie de vous montrer, après avoir fait le panorama des démarches scientifiques, vraiment à vitesse VD prime, hein, mais de voir un peu en quoi les sciences humaines à la fois peuvent s'inscrire dans ces évolutions scientifiques et à la fois proposent aussi quelque chose de différent ou de complémentaire quand il s'agit d'étudier les phénomènes humains, que ce soit en sociologie ou en communication. L'origine des sciences humaines, on pourrait là aussi parler des heures, ce n'est pas le but du cours. Je crois qu'il y a, si on devait résumer les choses à l'essentiel, il y a deux grandes origines à nos sciences humaines d'aujourd'hui. Une qui est plus ce qu'on appelle une tradition herméneutique. Alors herméneutique, c'est un mot qui vient du grec, qui veut dire l'interprétation. Donc il y a une tradition encore aujourd'hui dans nos sciences humaines, on ne le sait pas toujours, mais qui vient de l'interprétation des textes au Moyen-Âge. Finalement, les ancêtres des gens qui font des analyses de contenu des médias aujourd'hui, ben c'était notre ami ici, hein, qui, ici je pense que c'est Jérôme, en tout cas Jérôme, hein, qui était connu pour être un des auteurs de la traduction en latin de la Bible. Mais disons que ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il étudie un texte. Et cette tradition médiévale d'étudier les textes bibliques, et parfois les textes de l'Antiquité, mais dès qu'il y a des trucs un peu trop scabreux, soit on changeait certains termes, soit on mettait ça dans les archives du monastère et personne n'allait plus voir ça. Mais en tout cas, cette idée d'analyser des textes, d'en faire l'herméneutique, ça nous vient clairement de l'analyse des textes religieux au Moyen-Âge, et c'est une tradition qui est encore forte dans les sciences humaines aujourd'hui, et dans les sciences de la communication en particulier, où on a beaucoup réunir des corpus, que ce soit des corpus d'articles de presse, des corpus audiovisuels, que sais-je, et les soumettre à une analyse de contenu. C'est d'ailleurs une des joies qu'on pourra expérimenter dans le cadre de ce cours. Mais il y a une autre tradition dans les sciences humaines. Et là, comme je de nouveau bien les Grecs anciens, je vous en dis de nouveau un bien ancien, même encore plus ancien que l'autre, c'est Hérodote, hein, le père de l'histoire, comme on dit parfois. Et je trouve qu'il est plus le père des sciences humaines que le père de l'histoire, c'est vraiment un très très bon historien, Hérodote. Il avait tendance, même s'il doutait parfois de ce qu'on lui racontait, il avait bien raconté des super anecdotes. Quoi. C'était plus l'histoire pleine d'anecdotes, c'était encore très bien à lire même aujourd'hui, hein, mais c'est plutôt le père de l'ethnographie, je dirais. Il découvre les peuples et il essaie de comprendre comment les peuples vivent. Et donc Hérodote, il est plutôt le père de l'autre tradition dans les sciences humaines encore aujourd'hui, pas l'herméneutique et l'analyse des corpus préexistants aux chercheurs, mais plutôt la tradition empirique, le travail de terrain, hein, qui consiste à aller voir des gens pour leur poser des questions, par une enquête dite qualitative, des entretiens qualitatifs, faire de l'observation participante, toutes ces méthodes hein, qu'on développera dans le cours, eh bien je crois qu'elles nous viennent de cette autre tendance qui remonte. Et finalement, si on croise ces deux origines de nos sciences humaines, avec ce qu'on a dit jusqu'à présent de l'évolution des sciences occidentales, avec ce positivisme, cette recherche du langage mathématique, on a, il nous joue encore, deux gros types d'approches dans les sciences humaines et dans les sciences de la communication. Ce qu'on appelle les approches quantitatives, qui visent à mesurer, à chiffrer, à quantifier, à simplifier très fort. Hein. Et puis les approches dites qualitatives, dont on va parler maintenant, qui visent plutôt, mais comme le mot le dit, ça ne veut pas dire qu'elles sont de meilleure qualité, ça c'est important de le souligner tout de suite. On parle souvent dans la science humaine et en communication de recherche quanti et de recherche quali, recherche quantitative, qualitative. Ça ne veut surtout pas dire que qualitative c'est la super qualité et quantitative c'est des abrutis qui n'aiment que les chiffres. Hein. C'est pas du tout ça. Au contraire, plus on pourra combiner les approches, mieux on comprend les phénomènes. Mais bien comprendre l'origine de ces deux approches qui resteraient très structurantes de nos jours. En fait, un petit retour sur les approches quantitatives avant les approches qualitatives. En gros, c'est ce que je vous disais déjà, hein, les approches quantitatives en sciences humaines et en sciences de l'information et de la communication, elles cyclent. C'est principalement les enquêtes par questionnaire, c'est principalement des choses sur lesquelles on aura d'ailleurs des ateliers au cours de quadrimestre, des analyses de contenu quantitatives, où on va quantifier les messages dans des corpus médiatiques. Ce qui existe aussi, mais qu'on ne fera pas, c'est de la lexicométrie, et ça nous vient directement des moines du Moyen-Âge, à compter le nombre de mots dans un texte pour faire des analyses quantitatives du texte, ou la bibliométrie, ça c'est quand on étudie l'évolution des sciences, c'est compter combien de publications scientifiques, combien de citations faites par des chercheurs à ces publications scientifiques. Donc tout ça, ce sont des approches quantitatives, qui, un peu comme Galilée le disait au XVIIe siècle, utilisent le langage des mathématiques. Et elles sont très bien, ces approches. Hein. Il ne s'agit pas d'être dénigrées. Elles sont particulièrement intéressantes pour décrire des phénomènes, ce qu'on appelle en sociaux des phénomènes de niveau macro. Donc on ne va pas essayer de comprendre les interactions entre personnes. Ça, c'est le niveau micro. Ainsi, j'analyse deux personnes qui se parlent, c'est le niveau micro. Si j'analyse un groupe, c'est ce qu'on appelle le niveau méso. Et ce qu'on appelle le niveau macro, ben c'est quand on analyse des très grands groupes, hein, comme les pays. Et donc, c'est une méthode quantitative qui permet d'analyser un très grand nombre, par exemple dans une enquête par questionnaire, de répondants, des milliers de répondants parfois. Elles sont efficaces pour décrire des phénomènes à un niveau macro, pour avoir une photographie très large d'un phénomène. Pour ça, elles sont très très fortes et elles sont irremplaçables. Vous ne pouvez pas, avec votre petit micro, aller faire 3500 entretiens avec des gens. Ça serait trop long. Vous imaginez, rien que retranscrire tout ça, vous y passez la moitié de votre vie. Ce n'est pas très excitant non plus. Donc les approches quanti, elles sont très bien pour avoir cette photo de la situation, notamment. Elles ont d'autres avantages. Étant donné qu'elles sont basées sur des chiffres, les pairs, donc les chercheurs qui sont vos collègues et qui travaillent sur les mêmes domaines, peuvent plus facilement vérifier que vous n'avez pas triché dans la méthode que vous utilisez. On peut vérifier vos statistiques, on peut vérifier vos calculs. Si je prétends avoir rencontré 25 personnes pour faire des entretiens qualitatifs, bien sûr, on peut me demander de produire les transcriptions et vérifier que je ne mens pas. Mais c'est moins immédiat de vérifier. Si je suis un chercheur fraudeur, parce que heureusement très peu de chercheurs sont, il est peut-être plus facile de magouiller des données qualitatives que des données quantitatives. Quoi qu'il y en a qui magouillent des données quantitatives, mais alors c'est, un jour ou l'autre c'est repéré. Vous avez peut-être suivi ça il y a quelques 2-3 ans, on a pas mal médiatisé ça, un chercheur hollandais en psychologie sociale d'une approche quantitative. Ce type avait eu un succès fou. Il était vraiment... Il avait fait des publications qui étaient citées mais d'une manière incroyable, il avait des promotions, il était professeur ordinaire à 25 ans, j'exagère à peine. C'est le sommet de la carrière en termes de hiérarchie. Et il était tellement mordu par la gloire qu'il n'arrivait pas à admettre que certaines de ses publications allaient être moins spectaculaires parce qu'à un moment, raisonnement hypothétique ou déductif, on voit ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'il observait par ses expériences statistiques ne corroborait plus ses hypothèses. Il s'est dit, zut, je ne vais plus pouvoir publier des travaux spectaculaires parce que ce que j'observe avec mes données statistiques ne renforce plus mes hypothèses. Et ce qu'il a fait, ce qu'il aurait dû faire en tant que chercheur, c'est publier et dire qu'il devait nuancer ce qu'il avait déjà fait comme travaux au préalable. Mais non, lui, il a commencé à magouiller les données dans ses tableaux Excel pour que les données continuent à renforcer les hypothèses spectaculaires qu'il avait envie de défendre. Tout à fait l'inverse d'un travail scientifique. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Après un an ou deux, un de ses doctorants a eu accès aux données chiffrées pour faire d'autres travaux pour son doctorat. Et il a commencé à trouver qu'il y avait des trucs trop bizarres dans la manière dont les tableaux étaient réalisés. Il a vu la supercherie et le type, il a été viré. C'est triste pour lui, évidemment, mais il a expliqué lorsque le plateau de télé que c'était tellement grisant et en même temps tellement angoissant. C'est un peu comme un chef Michelin qui a 3 étoiles au guide Michelin et qui a peur de donner 122 ou 1. Il avait tellement peur de décroître dans cette hiérarchie scientifique qu'il a commencé à tout bidouiller. Donc, petite anecdote, après, il s'en est quand même. Mais il faut qu'il n'ait pas si en plainte que ça parce qu'il a écrit un bouquin sur son expérience et c'est très très bien rendu. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas comment il va faire. Mais enfin, si vous voulez, vous pouvez trouver, c'est un cas un peu connu. Ok. Donc tout ça pour dire que les procédures quantitatives ont souvent cet avantage d'être plus aisément vérifiables. On peut aussi les répliquer, hein, si vous avez fait des tests statistiques, et bien un autre chercheur peut refaire le test, et théoriquement, si c'est bien fait, il doit tester les données de la même manière. Elles sont facilement ou plus facilement comparables. Si vous faites des questionnaires dans les mêmes, dans les mêmes conditions, en traduisant bien les notions d'un pays à l'autre, vous pouvez, avec ces méthodes, comparer les chiffres d'un pays à l'autre, plus facilement parfois, qu'avec des approches qualitatives. Et finalement, c'est un peu ce que je viens de dire aussi, cette recherche quantitative, elle est plus aisément internationalisable. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une approche internationale avec des entretiens, avec des focus group, avec des observations participants, mais avec des chiffres, les chiffres s'exportent mieux. Les chiffres sont plus internationaux. Les chiffres ne parlent aucune langue et il n'y a rien à faire en sciences humaines ici. Ils permettent parfois plus aisément de comparer, d'internationaliser sa recherche. Donc voilà, un petit topo sur les approches quantitatives. Et quels sont les écueils de ces approches quantitatives? Vous allez voir qu'il y a l'une ou l'autre chose qu'on a déjà évoquée, mais c'est l'occasion d'y revenir. Je vous dis qu'elles étaient très bien, qu'il ne faut pas les critiquer en bloc, parce qu'elles sont quantitatives, seulement pas. Mais il y a certaines limites. Et d'abord, une série de limites qui sont liées justement à l'usage des statistiques, et en particulier à l'usage des statistiques dans les sciences humaines. Les sciences sociales. Et d'abord, ce qu'on appelle le danger de la réification. Alors, c'est un mot un peu compliqué, la réification. Ça veut dire qu'on va croire que des statistiques. Je vais donner un exemple concret après, pour faire comprendre. Mais que des statistiques représentent des individus réels. L'exemple actuel, le plus. On voit souvent ça dans les médias, on vous parle de l'électeur moyen. Et on analyse des statistiques ou des données chiffrées issues d'enquêtes, en parlant d'électeurs moyens. Comme si vous pouviez sortir dans la rue et dire « Bonjour monsieur, vous êtes l'électeur moyen ?»« Ah, vous m'avez trouvé, je suis content, c'est moi l'électeur moyen. Vous avez la chance d'être tombé sur moi parce qu'il n'y en a pas beaucoup. » Non. Donc attention à la réification. L'électeur moyen, il n'existe pas. Il y a des tendances statistiques, il y a le vocabulaire de la statistique qui vous permet d'analyser comme chercheur, ou en l'occurrence comme journaliste, des données statistiques, mais l'électeur moyen, c'est un concept abstrait, il n'existe pas en tant que personne qu'on peut rencontrer. À un moment, c'était très, très tendance dans les sciences sociales à la fin du 19e siècle, notamment avec un certain Adolphe Quetelet, qui était un génie des mathématiques, un Belge d'ailleurs, qui était un génie des mathématiques, et qui a inventé cette discipline qui est tombée en désuétude depuis, de ce qu'il appelait la physique sociale. C'était un peu dans l'idée positiviste de Durkheim, mais puissance 20. Lui avait établi, mais dans un but pratique, il voulait faire des profils de criminels potentiels. Il avait établi le profil de l'homme moyen. Donc là aussi, peut-être qu'on aurait pu rencontrer, c'est encore moins valorisant, alors déjà, je suis l'électeur moyen, alors moi, je suis l'homme moyen, c'est pas extraordinaire. Bon, ok, donc ce que je veux dire, les statistiques sont intéressantes, mais ne les réifions pas. L'homme moyen n'existe pas autrement qu'en tant que concept. L'électeur moyen, idem. Autre chose importante, qui a de nouveau l'air évident, et je vais raconter avec de nouveau une histoire un peu bébête, j'aime bien l'histoire bébête, mais qu'il faut comprendre, j'aime bien raconter l'histoire bébête aussi, mais je vais le mettre en scène, c'est pas spectaculaire. Ensuite, je bois beaucoup de café le matin, c'est pas le fond de l'histoire. Mais tous les matins, parce que je suis extrêmement paresseux, je ne dis pas ma cafetière la veille au soir, parce que je bois du café le soir, parce que c'est terrible, enfin c'est terrible. Le matin, ma cafetière est sale, et je veux me faire du café. Je commence par nettoyer la cafetière, presque scrupuleusement, puis je mets la cafetière dans le percolateur, un bon vieux percolateur, je switch le bouton, Et 5 minutes après, avec la bonne odeur, j'ai du café que je peux me servir en regardant Télématin. Bon, ok. Donc, je fais une analyse statistique de mes comportements sur les 10 dernières années. Je suis sûr que je fais la même chose avec mon café exactement de la même manière depuis les 10 dernières années. Et je constate que systématiquement, le fait que je nettoie ma cafetière est solidaire du fait que je bois un café chaud. Si je suis un très mauvais chercheur, je pourrais en conclure que le fait de nettoyer ma cafetière m'a préparé du café chaud. Et donc, ce n'est pas en nettoyant ma cafetière que le café est rentré dans la cafetière. Mais c'est ça. Ça, c'est une, si on dit en termes plus techniques, je confonds un rapport de corrélation entre deux phénomènes. Je vois statistiquement que deux phénomènes se passent en même temps, ou un peu après, l'un après l'autre. Ce n'est pas pour autant qu'il y a un rapport de causalité. Alors, ça a l'air évident étant l'exemple de la cafetière, mais je vous assure que dans plein de cas, y compris dans des mémoires, on voit des analyses extrêmement créatives, fondées sur des rapports statistiques, quand on va dire, oui, t'es sûr qu'il y a une causalité entre tes deux phénomènes, ou c'est juste le fait qu'ils sont corrélés, mais sans que ça soit nécessairement un rapport de causalité. Ah ben oui, tiens, je ne m'étais pas posé la question. Mais repensez à l'histoire du café, au moment où vous analysez les statistiques. Donc ça, c'est un premier écueil. Un deuxième écueil, c'est que les statistiques, ça c'est un peu mon histoire de l'homme moyen, mais ils négligent les cas particuliers. En sciences humaines, on y reviendra, souvent les individus exceptionnels, les cas particuliers, les études de cas, elles sont vachement intéressantes. Autant que les régularités. C'est un peu dommage de se passer des choses exceptionnelles, des individus exceptionnels dans les sciences humaines. Et puis finalement, les approches quantitatives, il y a une boîte noire qu'elles n'ouvrent pas, c'est celle des motivations des individus. Pourquoi j'agis comme j'agis? Quelles sont mes motivations? Pourquoi je communique comme je communique? Pourquoi j'ai plaisir à raconter cette belle histoire du café année après année? Ce n'est pas une approche quantitative qui va me le dire. Enfin, c'est peut-être analytique ou que sais-je. Mais enfin, tout ça pour dire qu'il faut pouvoir aussi parfois ouvrir cette boîte noire des motivations et de la manière dont nous représentons les choses en tant qu'être humain. Et ça, le quanti est moins efficace que les approches dites qualitatives pour enquêter sur ces aspects. Mais oui, c'est vraiment complémentaire. Le quanti nous donne une photo intéressante au niveau macro. On va le voir maintenant, le quali nous permet d'un peu ouvrir la boîte noire des motivations et des représentations. Ok ? C'est plus ou moins clair ? Bien. On voulait faire une pause ou on continue au finish ? Une petite pause de 5 minutes. Dans 5 minutes, je reprends. Thank you.